Tao, bien emmitouflé dans le poncho de Marina, marche sur le chemin quand le soir se met à tomber. Il s'arrête, ramasse quelques branches pour faire un feu. Il s'allonge sur le dos et regarde le ciel lumineux. À cette altitude, les étoiles sont magnifiques. Tous mes amis voient les mêmes étoiles où qu'ils soient, comme un fil qui nous relierait tous. Tao ferme les yeux face à cette immensité.